Bonjour mes chers amis, et aujourd'hui nous allons terminer le chapitre 22 et ça va être le dernier vidéo pour cette semaine. Je vous reviens lundi prochain avec d'autres vidéos sur le chapitre 23. J'ai cru bon de terminer aujourd'hui parce que ça termine le côté du procès de Jésus du côté des Juifs. Au chapitre 23, la prochaine fois, ça va du côté des Romains. On va voir Pilate et Hérode et la mort de Jésus. Notre bon Père du ciel, quand on regarde le procès de ton fils, on voit à quel point les hommes font partie d'un mouvement ténébreux, sont affiliés avec la puissance des ténèbres pour faire mourir Jésus. Mais comme tu étais assis sur ton trône lors du grand déluge qui a anéanti le monde, tu étais aussi assis sur ton trône cette nuit-là, pendant que ton fils était en procès par les hommes. Il était jugé par les hommes. Il va être condamné et crucifié par les hommes. Tu étais assis sur ton trône et tu régnais. Rien ne t'échappait. Rien ne se passait sans que tu le veuilles. S'il n'y a pas un cheveu de nos têtes qui tombe sans que tu le veuilles, il n'y a pas un clou qui a été planté dans les mains ou les pieds de ton fils sans que tu le veuilles non plus. Donc guide-nous pendant ces quelques versets aujourd'hui. Amen. Donc on est à la fin, sur les petites heures du matin, le coq a déjà chanté. Donc, il est 3-4 heures du matin. Si je me souviens bien, quand j'étais là en Israël, il me semble que c'était dans ces heures-là que le coq chantait. Et Jésus a été livré, Jésus a été saisi, Pierre l'a renié, et Jésus est dans la maison des souverains sacrificateurs. On a vu ça jusqu'à date. Et là, on va lire à partir du verset 63 jusqu'à la fin du chapitre, si vous voulez bien. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui voilèrent le visage et ils l'interrogeaient en disant « Devine qui t'a frappé !» Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres injures. Quand le jour fut venu, le collège des anciens du peuple, les principaux sacrificateurs et les scribes, s'assemblèrent et firent amener Jésus dans leur Sanhédrin. Ils dirent, « Si tu es le Christ, dis-le-nous. » Jésus leur répondit, « Si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Tous dirent, « Tu es donc le Fils de Dieu ? » Il leur répondit, « Vous le dites, je le suis. » Alors ils dirent, qu'avons-nous encore besoin de témoignage? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. Il est important pour Luc de dire à Théophile la conclusion de ce procès. Parce qu'ici, ce que les Juifs disent ici et font ici, et ce qu'ils vont faire devant Pilate et Hérode, ça va être une autre chose. Théophile va voir la duplicité qu'il y a entre les autorités juives et devant Pilate et Hérode. C'est deux mondes, c'est des hypocrites. Ils vont avoir deux poids, deux mesures. Mais là, on va voir finalement pourquoi les Juifs font mourir Jésus. C'est un procès qui était de travers tout au long. Saisir la nuit, à cachette, et on fait ça parce qu'on ne veut pas que la foule le sache. On est toujours dans la sournoiserie. Au verset, les hommes qui tenaient Jésus pendant qu'on l'interrogeait, pendant que ça se passait, avant qu'il soit jugé et condamné, on avait déjà commencé à se moquer de lui, à le frapper, à lui voiler le visage. Et là, on se moquait en disant, « OK, si tu es Dieu, devine qui t'a frappé. » Méchanceté extrême. Et il n'avait pas le droit de faire ça. C'était contre la loi juive, contre un procès en bonne et due forme. Donc, au verset 66, on dit, « Quand le jour fut venu, le collège des anciens du peuple et les principaux sacrificateurs qui étaient allés les chercher, Jésus, vous vous souvenez, dans le jardin, avec les soldats du temple, s'assemblèrent et firent amener Jésus devant le Sanhédrin. » Donc, toute la grosse gomme, sacrificateurs, anciens, scribes, s'en vont tous là ensemble. Ils se réunissent, les 70 dirigeants d'Israël. Je ne sais pas si c'était tous là, mais en général, le Sanhédrin était composé de 70 personnes environ. Ce que j'ai lu, ce n'est pas tout le monde qui est tout à fait d'accord. Ça peut jouer de quelques-uns. Et ils dirent au verset 67. Donc, là, c'est un jugement, un procès un peu plus légal. On a fait un paquet de choses noires et sales et injustes à cachette pendant la nuit. Et là, tout d'un coup, quand le jour s'est levé, donc 5-6 heures du matin, parce qu'il faut se dire, là, il est de bonne heure, parce qu'ils vont l'envoyer sur Pilate, Pilate va l'envoyer chez Hérode, Hérode va l'envoyer chez Pilate, et là, il va être crucifié à 9 heures. Donc, entre 5-6 heures du matin et 9 heures, il se passe toutes ces choses-là. « Si tu es le Christ, dis-le-nous. » Là, il pose la question ouvertement. « Si tu es le Christ, dis-le-nous. » La réponse de Jésus, peut-être qu'il vous étonne, mais Jésus les connaît, ça fait 3 ans qu'ils sont là. Il connaît leur cœur, il connaît leur méchanceté et leur hypocrisie. Ils savent que peu importe ce qu'il va dire, ça ne changera rien. Leur idée est déjà arrêtée. Et il leur répond en disant, « Si je vous le dis que je le suis, vous ne me croirez pas. » Je vous l'ai déjà dit depuis 3 ans. Je vous l'ai montré depuis 3 ans. Je vous l'ai prouvé depuis 3 ans. Et si je vous interroge, vous ne me répondrez pas. On se souvient dans Luc. À quelques reprises, Jésus les interrogeait. Mais ne répondait jamais. Donc il dit, vous n'êtes pas juste, vous n'êtes pas en train de chercher la vérité. Vous cherchez des moyens ou des raisons de m'accuser et de me dénigrer et de me faire mourir. Et là, au verset 69, il dit, « Désormais, bientôt, dans les jours qui viennent, désormais le Fils de l'homme, moi, le Fils de l'homme, sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Wow! C'est toute une déclaration. Un homme assis à la droite de Dieu? Hey, minute! Pour qui tu te prends, toi, là? Un homme assis à la droite de Dieu? Et ils comprennent l'allusion. Si toi, le Fils de l'homme, tu dis que tu vas être assis à la droite de Dieu, ça veut dire à l'égal de Dieu, à la même hauteur de Dieu, tu vas être l'équivalent de Dieu. Il dit au verset 70, tous dirent, donc tu es le Fils de Dieu. Voyez-vous, ils font le lien. Fils de l'homme, si tu t'en vas t'asseoir à la droite de Dieu, tu te fais égal à Dieu et tu es donc le Fils de Dieu. Tu es donc le Fils de Dieu. Il leur répondit, « Vous le dites, je le suis. » Jésus sait très bien qu'est-ce que ça va produire, cette réponse-là. La réponse qu'il fait, ce n'est pas pour s'aider, si je pourrais dire, demain. Il n'est pas en train de... Je vais essayer de les convaincre que je suis le Fils de Dieu, peut-être qu'ils ne me tueront pas. Au contraire, je crois que Jésus sait très bien qu'en disant cela, ça va les pousser plutôt à vouloir la faire mourir. Il faut bien comprendre que les Juifs ne croient pas à la Trinité. La Trinité n'est pas encore un concept dans la foi juive. Dieu est unique. Et qu'un fils de l'homme déclare qu'il est le fils de Dieu. C'est inacceptable. C'est pour ça qu'ils disent au verset 71, « Alors, ils dirent, qu'avons-nous encore besoin de témoignage? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa propre bouche. Il se déclare fils de Dieu, il se déclare égal à Dieu, il se déclare divin. C'est un blasphème, c'est un hérésie, c'est un hérétique. Et il mérite la mort. Ils diront pas ça devant Pilate et devant Hérode. Parce que ça n'a pas de poids devant eux. Mais ici, chez les Juifs, devant le Sanhédrin, quelqu'un qui se déclare un homme, et en même temps qui se déclare un Dieu, un fils de Dieu, égal à Dieu, assis à la droite de Dieu, c'est un blasphème. Et il doit mourir. Vous êtes Théophile, vous en pensez quoi? Et Théophile comprend très bien, là, que même avant d'aller chez Pilate et Hérode, il sait que Jésus ne mérite pas. Même lui, en tant qu'autorité romaine. Je crois que, moi, personnellement, excellent Théophile, je le mets comme excellent Fixtus, excellent Théophile, excellent Félix. Même moi, là, excellent Théophile, je ne pourrais pas le condamner. Je ne pourrais pas condamner cet homme-là à la mort de la croix. Parce qu'il dit qu'il est le Fils de Dieu. Ça ne fait pas partie de leur loi sur quelqu'un qui se déclare fils d'un dieu quelconque, mérite la mort. Surtout chez les Romains qui divinisaient des êtres humains comme César ou ailleurs. Donc, qu'un homme se déclare fils de Dieu ou un dieu quelconque, ça ne l'amène pas à la mort. Donc, au moins Théophile comprend et voit là pourquoi les Juifs finalement vont le faire mourir. Il n'a pas commis de meurtre, il n'a pas commis de sacrilège, il n'a pas commis de meurtre, de vol, de tuerie, il n'a pas enfreint les lois romaines, il n'est pas en rébellion contre César. Il n'a rien fait de ça. Donc, lui-même, excellent Théophile, c'est très bien que cet homme-là ne mérite pas la mort maintenant. La semaine prochaine, on va voir qu'il va comprendre aussi que les autorités romaines ont été coupables aussi. Les autorités juives sont coupables. Les autorités romaines, on va voir, sont coupables aussi de condamner quelqu'un qui n'est pas coupable. Le plan de Dieu s'est accompli. Ce que Jésus disait depuis plusieurs mois, depuis le début du chapitre 10, dans ces premiers chapitres-là, Jésus disait « Je monte à Jérusalem pour mourir. Les sacrificateurs, les scribes, les sanhédrins, les anciens vont me condamner, vont me livrer à la main des païens pour me faire mourir. » Et c'est accompli maintenant. C'est arrivé. Ça s'est accompli comme Jésus l'avait dit, à Jérusalem, par les gens qui avaient dit. Mais là, il reste à accomplir par les Romains, qu'on va voir la semaine prochaine. Vous savez, dans ce chapitre, on voit les humains affiliés avec la puissance des ténèbres. Combien vous avez vu d'hommes et de femmes, de monde religieux, qui croient tous faire des choses pour Dieu, puis qui déclarent tous être des choses, des enfants de Dieu, puis qui aiment Dieu, puis qui font pratiquer leur religion pour Dieu. Puis il y a des gens qui disent que peu importe la religion que tu fais, si tu la pratiques bien, si tu fais de ton mieux, Dieu va t'accepter, tu vas être avec Dieu. C'est faux. C'est complètement faux. Jésus ici dit à des hommes qui croient défendre leur religion, qui croient mettre en pratique leur religion, qui croient qu'ils accomplissent la volonté de Dieu. Mais là, Jésus dit, non, c'est votre heure et l'heure de la puissance des ténèbres. Jésus jumelle cette religion juive, avec toute leur autorité, toute leur dirigeant, il est jumelle à la puissance des ténèbres. Et il nous montre dans une autre facette, un autre temps, que Dieu utilise cette folie humaine, utilise cette méchanceté humaine, utilise cette religion juive humaine-là pour accomplir son plan, son but, sa volonté, ce que lui avait déterminé. Parce que Jésus devait mourir le jour de la Pâque à Jérusalem à 3 heures. C'était écrit, c'était déterminé. Mais Dieu est tellement fort, tellement puissant, tellement grand, tellement Seigneur, qu'il utilise la puissance des ténèbres, la puissance, la folie des hommes pour accomplir son plan. Ça démontre à quel point Dieu est grand et souverain. Il veut que Jésus meure pour le salut des hommes. Mais Jésus ne fait pas juste mourir d'un coup de tonnerre. Jésus utilise des hommes et des femmes et un peuple très autonome, qui est très volitif, pour accomplir le plan que lui a. Eux autres, ils travaillent pour le mal. Lui travaille pour la gloire de Dieu, pour sa propre gloire. Donc, je vous souhaite une belle fin de semaine et que Dieu bénisse vos rencontres entre frères et sœurs et qu'ensemble, on cherche sa face. Notre bon Père du ciel, ô béni sois-tu, ô comme je t'aime, Seigneur, mon Dieu, comme je t'aime, Seigneur Jésus. Tu as vu venir cela, tu savais tout cela, et tu as marché vers la mort, vers la croix. Tu as accepté d'accomplir le plan de ton Père pour notre salut, pour mon salut. Parce que tu savais que mon salut ferait la gloire de Dieu pour l'éternité. Si on veut donner gloire à Dieu pour notre salut, il faut croire que Dieu est au contrôle de tout ce qui s'est passé cette nuit-là à Jérusalem. Sans ça, on ne peut pas glorifier Dieu pour notre salut. Il faut qu'il soit complètement au contrôle. Et il faut que vraiment, c'est lui qui voulait que Judas fasse cela. Il voulait que tout se passe ainsi. Sans ça, on ne pourra pas lui donner gloire. Amen.